Lucas Nico. Non, c'est pas dans le film. Attention, il y a peut-être un film. Ne regardez pas, vu que j'étais dans le film. Non, c'est pas dans le film. Dans le film ? La prise de conscience. Bah, c'est pas dans le film, en effet. Oh. Alors, est-ce que Hanouna est dans le film ? Viens par là que je t'emboutisse la cervelle. Dans le film. Pas dans le film. Pas dans le film. Dans le film. Non, ça sent les grosses vidéos. C'est dans le film ? Ouais, voilà. Je vais t'enculer, je vais te briser les os, je vais boire ton sang. Non, pas dans le film. Oh bah bravo, alors là, tu l'as vu. Mais ça sent d'où ? Sherlock ! Ça sent d'où ? Artiste, hein, ça sent d'où ? C'est Caris. C'est Caris. C'est Caris. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter C'est Caris en tant que j'ai pas la ref. C'est Caris. Ok. Oh là là, il est totalement disjoncté ce type. C'est dans le film, je te jure, ça, y a moyen que c'est dans le film. C'est pas dans le film. C'est pas dans le film. Putain, mec, je vais perdre. C'est dans le film ? Ouais, c'est dans le film. Non. C'est dans le film. Jack Black dit ça. C'est sa seule réplique d'ailleurs. Oh, il est disjoncté, ce gars. Le rock a disjoncté. Ensuite, on a ma biche. Est-ce qu'il y a ou pas ? Votre avis, il y a ou pas ? Est-ce qu'il y a Louis de Funès dans le film ? C'est possible, il était vivant encore. Ouais, mais non, non. Non, il doit pas. Il y a pas ? Non, il y a pas. Ma biche. Oh, mauvais nom. C'est pas dans le film. Non, pas les gens. Alors ? Ah, ça en fait pas dans le film. Ah, bien. T'as encore une imitation, Louis de Funès, j'adore. Mm-hmm. Si vous voulez faire parler d'un sujet politique, il faut mettre Cyril Hanouna dedans. J'adore Hanouna. Mais mec, mais. Dédicace au ministère. Non, mais surtout dédicace à C8 en fait. Bah, c'est Marlène Schiappa, j'avoue, c'était Marlène Schiappa, je vous pose pas la question. Bah, voilà, c'est fini. Bah, attends, les mentions honorables des films honorable. De Jim Carrey. Le masque. Non, oh non, j'ai dit le mauvais. Ah non. C'est évidemment International Chain of the Spotless Mind. Ah, x12. De Michel Gondry, le meilleur film. X12. Ton film préféré ? Je pense. Ouais. Lucas, de tous les films de Jim Carrey. Ou que Jim Carrey. Au moins de Jim Carrey. Et Execo avec Trent Potting. Okay. Ah, t'aimes bien ? J'adore Trent Potting. Ouais, ça, j'aime bien. Non, mais moi c'est. Lucas, non, mais c'est un film. Ok, aussi. Non, mais vraiment que celle-là avant mon sourire. Bah, de Jim Carrey. Il y a The Mask, il y a The Mask. Bah, moi je suis pas trop fan du Mask. The Mask, le premier, je kiffe. C'est pour ça que j'ai du mal. Eternal Sunshine, moi je trouve que c'est génial. Bah, le 2, il y a plus Jim Carrey, donc ça pue la merde. Oui, non, mais oui, mais après, en tant que film. Et le 3 est pire encore. Il y a un 3. C'était le fils du masque, non le Ouais, le fils du masque. Ah, ok, oui, c'est bon, j'ai vu. Horrible, hein. Bah, il le fait, hein. Celui avec Loki, là. C'est celui-là. Bah, mec, Bah, il monte. Pourtant, il est culte, hein. Non, mais ouais, non. Après, il est culte sur quelle planète Il est culte sur une Terre, mec. On soit vulnérable à Truman Show. Ah, ouais, c'est vrai. Truman Show, ouais. Kick-Ass 2. Oh là là. Non, voilà. Tu as vu Man on the Moon ou pas? J'adore. Bah, mention honorable pour Man on the Moon. Du coup, il y a le documentaire qui est fait après Jim Andy. Ok. On apprend qu'il y a un film. D'ailleurs, t'as regardé la série avec Non, alors attendez, moi j'ai pas vu Jim Andy. Faut pas me dire parce que vraiment, je t'avais dit pour Retour de Gondry. J'ai pas vu qu'il dit. En vrai, mention non, je peux même dire, enfin, le Truman Show, même si c'était cité, c'est l'un qui est genre le plus original quand même. Et qui a pas été refaire bien. Mais t'as un Sanchez aussi. Ouais, c'est incroyable. Aussi, mais ça a déjà été cité. Moi, nous avons aussi. Ah, mais c'était vraiment. Et j'ai pas vu. Ça reprend la vie de Mandy c'est avec Mandy Kaufman. Après, non, c'est pour les Venturas ou pour les films. Ouh là là là. Son premier film, au moins pour son premier film qu'il a fait connaître, tu vois. Ouais, succès. On n'avait pas dit que c'était Domaine de Mer. Non, c'est sorti The Mask, Ace Ventura, The Mask et Domaine de Mer la même année. Ouais. Ace Ventura est sorti avant ? Même année, 94. Mais dans la liste Wikipédia, il est avant. Il est avant, ouais. Par exemple, de date, à mon avis. Ouais, parce que Wikipédia reprend la sortie française ou la sortie américaine. Il sera donc jamais. Est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Je vais mettre ça. C'est bon de choisir qui c'est le meilleur. Ouais, je te laisse concerter avec le meilleur. Attends, mais l'écran en PLS. Vas-y, fais ça, vas-y aussi. Mais voilà, baiser vos mères, les voisins. Tu te concertes avec toi-même. Et tu réfléchis. Réfléchis bien, vraiment, genre pas par rapport à. Il faut que tu décides un gagnant. Baisez-vous!

sans ma maman. Ma mère, mes sœurs et mes filles, y'a quelques j'ai pas envie de blesser. Bisous. Ça vient du cœur et des tripes, mais j'ai toujours la bite dressée. Je bande toujours. Regarde les heures, elles défilent, j'ai plus le temps, je suis pressé. Vite. Je veux me barrer d'ici, toute la journée je suis pété. Fume. J'suis ténébreux et infâme, j'ai plus le temps d'être courtois. Pute. Maman, tu es la seule femme qui a toujours été là pour moi. Exact. J'suis ténébreux et infâme, j'ai plus le temps d'être courtois. Pute. Maman, tu es la seule femme qui a toujours été là pour moi. C'est bon, ben je commence à enregistrer. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Bah normalement ouais. Oh, yes. Parce que j'appuie au moment où je m'as dit enregistre, donc normalement. C'est notre générique. Bon, on a la genre guitare, hein. On peut avoir 15 heures de rush là. 15 heures. Ouais. Oh, bah, ça va, on est là. Allez, on est là. J'espère que sa pétasse occasionnelle, Molly, n'en fait pas partie. Ah oui, ouais. T'as pas lu Grey ou ça quoi? Ça au monde d'After, ben. Ben oui, normalement, mais là j'ai pas. Mais on a pas 50 nuances? Si. Mais ah bah voilà, chercher sur internet, ça baisse plus. Ah non, pardon, non. Non, t'as pas 50 nuances, sinon j'aurais pris. Ah, je suis pas un si gros beauf que ça, quoi. Où tu lis directement, tu sais, le truc là, de la vision de Grey. Je suis en cherchant. T'as fait, au niveau des répliques, t'as pris quoi? T'as pris 3 répliques au hasard et t'as fait. Bah, j'en ai inventé. Ouais, voilà, mais t'as fait qu'une seule fois. Qu'une seule fois sur 3 répliques. Ouais, mais c'est ah, bon, ah oui, moi j'avais oublié les règles du jeu, donc quand j'étais à 3h du matin, j'en ai fait plein. Et puis on verra comment on les triomphe. Pas de culotte. Il sourit d'un air narquois. Passage. Non, parce que je sais pas trop comment le régler du coup. Alors. Bah, comment ça, comment le régler? Non, non, mais c'est parce qu'en fait. Quand vous rigolez, ça monte jusqu'à genre comme il rigole super fort, ça monte jusqu'à genre ici, tu vois. T'as rigolé fils de pute. Ça c'est un rire pourtant. Ah non mais voilà, laisse-le, je mixerai, je montrerai le son. Et tiens, au pire, tu vas lire cette page web juste pour les mains. C'est quoi? Il va lire vraiment https / là. Je te représente comment? Non, c'est je te présente, voilà, ça commence pas. Attends, mais pas maintenant, enfin petite surprise. D'accord, ok. Parce que là, c'est les passages où Reddy il me défonce la culotte, tu vois quoi. Putain, parce qu'Antoine, ton beau, il est parfait hein, dans le truc. Hein. Il a le pile le bon truc propre. Ah, merde, attends, un mouchoir en quoi? Tu as branlé? Non, je suis le cul après. Bah, ramène-toi. Il y a moyen de voir le silence pour voir le bruit de fond ou pas? Bah, voir le silence, c'est compliqué. Non. Science des oignons, on l'a pas en DVD. Je suis un geek, un geek de film. Putain, qu'est-ce qu'il a? Toujours un fils de pute. Non, c'est bon, ça passe. Super, il n'y a pas eu de silence. On va le laisser à 3. Voilà. Tu peux voir quand ça parle un peu? Bah là, quand ça parle, ça monte ah ouais, jusqu'à, ça tu vois, ouais, genre environ jusqu'à 18. Gros beauf de et vraiment, quand t'as les gens qui parlent super fort, ça monte jusqu'à 15. Ouais, je pense le mec, il a vu la patronne, il fait chaud, tu vois. Mais c'est bon, la patronne avec nous, il fait. Genre, Ah, vous voulez pas vous mettre en maillot? Et le mec, il fait. Et non, après, elle va trop avoir envie de mon corps. Hein. Oh là et là le mec là a dit ça là à la patronne, genre. Quand le boss de Panamo. Alors qu'en plus, le chef d'équipe, c'était son fils et tout, là, vraiment. Le chef, son chef, c'était son fils? Non, le chef, c'était le fils de la meuf. Oh, et lui, il a dit, mais c'est ta mère, en gros. Alors que la meuf, c'est regarde la page, on tombe là. Fais gaffe à ta mère, c'est ça, mal tourné. Ouais, par contre, non, mais fais le dessin, en fait. Genre, vraiment, mets-lui un gros sac. Non, sois gentil. Comme Croblan, tu lui as des cailloux. Quoi? Croblan, tu connais Croblan? Ah si, Croblan, Jack London, mec. Moi, je connais Erwan. Jack London, mec. Non, il a lu avant de venir. Il va le dire 100 fois. J'ai plus lu Croblan que vu mon film. Moi, Domaine. En vrai, c'est vraiment ça, j'ai pas des braquants. C'est vraiment ça, il y a que ça. C'est la meilleure blague. Non, c'est pas Dumb and Dumber. Mais attends, mais retrouver la liste des films Wikipédia du Mickey, on trouvera jamais. Non, mais arrêtez. Non, arrête de regarder ça, tu vas être trop simple. Oui, mais voilà, regarde pas. Et toi, il y a deux films, bordel. Il y en a un, c'est la mort, et l'autre, c'est pas la mort. Juste au niveau des répliques, la fin, là, tu sais, quand on mélange. Oh là là, c'est bon, sans branle. Et ça, on va l'improviser. Ok, allez, c'est parti. Tu vas te laisser voir quoi, je vais te voilà, vite. On se fait la bise d'abord. J'arrête avec le son, sinon je vais stresser tout le monde. Ah, c'est bon, la bise. Hein. Voilà, c'est bon, jamais on se fait la bise. Allez, on se fait la bise. Bonjour, voilà. Monsieur. Je fais pas la bise. Tu mets sur la bouche. Non, bah non. Et voilà. Merci. Je baisse ta mère. Ouais, vas-y. Tu commences intro? Ouais, allez, ouais. T'es prêt? C'est drôle, attention, hein. Rigolez pas trop. Elle aurait dû inviter Thomas, ça fait. Ah putain, la saturation, gros. On ferme ta gueule. Non, mais ouais, pas besoin de faire un milliard de silence. De ah ouais, virement ça, ouais. C'est pas mon sac, c'est pas mes clés, moi. Tu vas les perdre. Je les perdrai toujours. Je vais les perdre si mal. Ça sent trop près, là. On est à l'écoute. La première vanne me fait rire, je l'ai déjà dit. Le vrai, ce qui se passe, c'est que je prends une prise de risque. De la minute 1 du podcast. Vous spoilez pas, du coup. Le truc, c'est quoi, tu vas tu fais l'imitation ou pas? Tu vas bafouiller cette fois. Ça fait 5 minutes depuis que Lucas a pété, hein, je tiens à dire. Lucas a pété? Non, j'ai jamais remarqué ça. Ouais, c'est générique, hein, n'oublie pas. Je commençais le rush avec un pic comme ça. Qu'est-ce que ça peut être? Non, mais ça peut être pris Jack. C'est le. Putain, j'avoue, c'est notre clap. On va répéter à chaque fois, c'est un truc différent. Ouais, vas-y.